dream for two. I sing along the river and I see you through. All these days living inside my voice. I'm lonely as a rock and I have no choice. I will take my love like we take the sea. Ready to reload my own place to be. Everything. You are everything. All these days living inside my comme une douce démence. fait d'ombre et de silence. Autre que les nôtres, leur éternelle différence. Je me fie l'apôtre de tous les anges sacrifiés. l'âge de mes aïeuls. Face à ma vie, je ne sais soir. Aucune rage, mon cœur en paix. Couvre les cris comme un seul. Rends-toi l'âge de mes aïeuls. Shit. la fièvre, dans la fièvre, dans la fièvre des bullshit. Sur l'émission Mavrika, la première radio orléanaise qui vous diffuse du vrai live. Je vois tes traits plus que parfaits, me le sourire au travers du mur de cette porte plus que fermée. Regardons-nous par la serrure. Bouge le mur et fais fondre la glace. Quitte l'augure où je n'ai plus ma place. Laisse ton armure à ceux qui passent. Fais des aventures et sans audace. Y a-t-il un filtre, est-il un vent? Dois-je pousser des cris perçants? Tu sais, c'est trop dur. Il faut que l'on jette nos couvertures. Par d'être discret. Salut, voilà de retour de vacances, l'émission Mavrika, on l'avait promis, elle revient donc le 4 septembre, vendredi, le soir, comme d'habitude. Alors les nouveaux horaires, c'est plus 8h30 comme c'était avant le cas, c'est passé à 7h30. À 19h30, on va le dire comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, les gens ne se tromperont pas entre le matin et l'après-midi. En tout cas, vous pouvez nous écouter partout. Hein. Moi, je sais que quand j'étais en vacances, j'étais un petit peu à l'étranger et on a la possibilité d'écouter Radio Arc-en-Ciel sur radio-arc-en-ciel.fr, hein, n'importe où dans le monde. N'hésitez pas à le faire. Alors, sur Orléans, vous pouvez nous écouter à la radio, hein, sur n'importe quel poste FM, sur 96.2 MHz. Ça, c'est pas nouveau. Hein. On est quand même une des fréquences les plus anciennes de la région, donc ça vous le connaissez. Maintenant qu'on a dit ça, on a eu un petit peu d'absence donc pendant les grandes vacances. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Hein. En tout cas, nous, ça va toujours bien. On essaie d'envoyer toujours la bonne musique. Et donc c'est le retour de l'émission Mavrika pour cette émission numéro 454. On s'approche de plus en plus des 500. Vous le savez que ça fait déjà 10 ans qu'on fait cette émission et actuellement, c'est un petit peu une année particulière en 2020 puisqu'on a fait ça pendant 10 ans, depuis 2010 jusqu'à 2020. 2020, effectivement, nous ne pouvons pas avoir, comme nous avions jusqu'à présent, beaucoup de personnes qui jouent en live. Mais par contre, on a des enregistrements qu'on va pouvoir diffuser. On va écouter beaucoup de musique. Et puis, petit à petit, on va commencer à recevoir des gens. Donc, c'est pas possible pour l'instant, dans les conditions actuelles, de recevoir des groupes au complet. Mais on va commencer à inviter des gens. Alors, si vous voulez venir dans l'émission Mavrika, si vous êtes déjà inscrit, on a dû tout annuler. Là, on recommence tout à zéro. Donc, je vous propose de me contacter sur le Facebook. Ça sera peut-être beaucoup plus simple. Ou alors sur mavrika@live.fr. Ça peut pas être plus simple. Donc, je vous invite à me contacter. Et puis on va essayer de commencer à faire un petit programme avec des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, hein. Un, maximum deux, hein, mais je ne peux pas en recevoir plus dans les conditions actuelles. Mais on pourra commencer à discuter, parce que là pour l'instant je suis un petit peu tout seul à vous raconter l'histoire des groupes avec tout ce que je sais d'eux, mais j'aime bien aussi donner la parole aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc là on a déjà écouté pas mal de bonne musique. On a écouté le groupe Apolline avec Puck, Arcadiaz. Alors ça c'est un groupe, il n'est pas de la région, hein. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Le Regard des Autres, à ne pas confondre avec Arcadia qu'on a écouté juste après. On a écouté aussi Prolié avec La Panthère. On a écouté aussi un groupe de la région orléanaise qui s'appelle Corrosive System avec leur fameux titre 99%. On a aussi écouté Angeville avec Deep Wave. Et on a écouté Arcadia avec À la vie, à la mort. Juste avant, entre le jingle et la prise d'antenne efficace, nous avions écouté aussi un morceau d'un monsieur qui s'était proposé de venir dans l'émission. Donc s'il veut revenir, il n'y a pas de souci, on va commencer à faire un petit programme. Il s'agit de Lyon, on l'a écouté juste avant, et ça s'appelle Déblindé. On est ici dans l'émission Mavrika pour Déblinder, donc on est tous ensemble, et puis on va écouter plein de bonnes musiques. Derrière ça, je vous ai déjà programmé Orphan Black, un excellent groupe de la région orléanaise, avec un morceau qui s'appelle Silent. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Raging, seems so far. I'd like to know that a day will come. seul.

minutes I felt that you're high from the bottomless pits, but my hand was made strong by the end of humanity with forward to the generation triumphantly. Won't you have to say these songs of freedom? 'Cause all I ever read, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for a head to make energy, 'cause no one of them can stop the time. How long shall they kill our prophets when we stand inside a look? Some say it's just a fire of hits. We've got to fulfill the book. Won't you have to say songs of freedom? 'Cause all I ever am, redemption song, redemption song. Energy, 'cause no one of them can stop the time. How long shall they kill our prophets when we stand in the side of look? Yes, something just as far ahead. We've got to fulfill the book. Won't you have to say songs of freedom? 'Cause all I ever read, redemption song. Won't you have to say, oh, the songs of freedom? 'Cause all I ever read, redemption song. c'était pour me rassurer. J'ai voulu ma vie bien ciselée. Je suis une femme un peu parfaite, l'épouse dévouée, aimante, coquette. Mon homme n'a rien à me reprocher. Ses chemises sont toutes repassées. Je soigne notre intérieur charmant. Je peux finir dans notre temps. Et si je pensais un peu à moi, que je me mette au roca, que j'envoie bien bouler la mer, fumer les bêtes, boire des bières. Christian Grey saurait m'écouter. Une seule nuance, je serais comblé. Comme en soirée célibataire, je me mettre la tête à l'envers. Il ne manque jamais rien chez moi. Mes plats sont fins, jamais servis froid. Et j'optimise bien mon planning. Footing, shopping et même brushing. Pas besoin de babysitter. Mon homme n'est pas esclave de l'heure. J'attends souriante derrière la porte. Je sens que je craque, il faut que je sorte. Et si je pensais un peu à moi, que je me mette au roca, que j'envoie bien bouler ma mère, fumer des pêtes et boire des bières. Christian Grey saurait m'écouter. Une seule nuance, je serais complet. Comme en soirée célibataire, je vais mettre la tête à l'envers. Pour mes enfants, je suis une reine. Il n'y a jamais rien qui me freine. L'assaut parent que j'investis, je fais des gâteaux pour les sorties. Je suis une star pour belle maman. Je porte tous ses médicaments et fais ses courses de marque repère. Vous comprendrez, elle me vénère. Et si je pensais un peu à moi, que je me mette au roca, que j'envoie bien bouler ma mère, fumer des bêtes et boire des bières. Si on reste serait m'écouter, ce nuance serait comblé. Comme en soirée célibataire, je vais me mettre la tête à l'envers. La tête à l'envers. Ma vie bien ficelée. Seul ce que j'ai perdu n'appartient à jamais. Tu auras peut-être dû savoir. Les minutes et les secondes passées entre mes bras, tu ne pourras jamais me les voler, qu'elles resteront gravées dans ma mémoire. Comme on s'accroche au comptoir, est-ce que l'on devient un peu s'accroche plus trop à rien. Est-ce que ça vous fait un bien fou de faire du vélo sans les mains? Est-ce qu'il faut se sentir à bout pour se sentir enfin si bien? Seul ce que j'ai perdu m'appartient à jamais. Des plus grandes blessures à la moindre petite plaie, l'image reste toujours collée au mur, même si le mur s'est effondré. Le lit gardera à jamais, non murmure, ce que je garde en souvenir. Tu ne pourras jamais me l'arracher. Je ne m'accroche plus trop à rien. enfin si bien. L'heure de la sortie a sonné. Encore une journée passée à rien penser. Courir, payer, acheter, voler. Et un jour oublier la couleur des blés. Moi j'ai vu des bateaux couler. Sans un point levé, sans une voix haussée. Apprendre à ne jamais rien demander. Surtout ne pas regarder les gens tomber. Un peu plus de sang sur les doigts. Mais c'est ça le paradis. Si tu vois par-dessus les toits, la couleur est verte ou gris. Un peu plus de sang à cracher. Mais petit c'est pour la vie. En dedans les gens sont cachés. La nuit tous les chats sont gris. Pour ce qui aurait pu se passer. Tu peux me trouver décalé. Moi tu sais je n'aime que la couleur des blés. Voilà, une émission très musicale ce soir. On écoute beaucoup de musique. Hein. Merci aussi pour tous les gens qui ont téléphoné, qui ont envoyé des petits messages. Bon, là, on rentre de vacances. Il y a plein de choses, des contacts à reprendre et tout ça. Donc, je voulais aussi m'excuser. Déjà, je suis arrivé. Les boîtes aux lettres débordent complètement. Donc, je suis en train d'essayer de répondre à tout le monde. Donc, vous inquiétez pas. Hein, je vais le faire hein, avec le temps. Il faut me laisser un petit peu de temps. Et je vous répondrai à tous. Donc, pour les gens qui veulent venir dans l'émission, on va essayer d'organiser tout ça. Tous les gens qui veulent aussi, bon, on va essayer de se tenir au courant du Mavrika Live parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir le faire dans quelques temps. Voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça. En attendant, on a écouté beaucoup de musique et je vais vous présenter maintenant quand même les titres. Ça, c'est important de savoir quel groupe nous avons écouté et quels artistes aussi solo. Hein. Alors, tout à l'heure, je vous ai laissé avec Orphan Black. C'était au début de l'émission. Hein. On a laissé beaucoup de musique à la suite, sans interruption. Orphan Black avec un morceau qui s'appelle Silent. Juste après, c'était Custom avec Holy Revolution. Le groupe Yeti, il paraît que c'est un bon groupe, hein, d'après les commentaires que j'ai sur le Facebook. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur Facebook. Hein. Ça a été un petit peu long au début arrivé, mais là, il y en a de plus en plus et moi, ça me fait vraiment plaisir. Petit message privé aussi, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Je vais le faire, il n'y a pas de souci. Donc, Yeti avec un morceau qu'on aime beaucoup, le côté un peu opposite de Yeti, côté avec le reggae et puis... De toute façon, on aime bien Yeti, quel que soit le morceau. Le morceau qu'on a écouté s'appelle The Maze. On a écouté aussi Munston. Munston, un artiste qui est venu ici à deux reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et là, c'est le dernier morceau qu'on a découvert, le dernier qu'il nous a envoyé, qui s'appelle Burning Star. Juste avant, c'était un groupe qui est venu aussi dans l'émission Mavrika, mais qui a disparu entre-temps. Hein, les artistes se sont un peu dispatchés. Il s'agit du groupe 100 Miles, un groupe que j'adore toujours, encore aujourd'hui. J'écoute avec beaucoup de plaisir leur album. Et le morceau qu'on a écouté, c'était Falling Star. Donc, vous avez vu le lien, Burning Star, Falling Star. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a continué avec un groupe aussi de stars. Hein. Il s'agit des Shaking Mets qui ont participé au précédent Mavrika Live, un groupe que j'adore. Hein. Je continue toujours à les écouter. J'aime bien leur côté rock'n'roll et j'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois en concert. Il y a vraiment de très bons musiciens et puis c'est des gars super super bien et très rock'n'roll. Le morceau qu'on a écouté, ben voilà, ça ressemble un petit peu, il y a un petit côté Highway to Hell, ça s'appelle Back from Hell, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'eux ils viennent de l'enfer. Et donc les Shaking Mets, un groupe de région parisienne qui vient régulièrement dans la région, donc si vous avez l'occasion d'aller les voir, n'hésitez pas. Le groupe Skywax avec Skywax. J'ai eu aussi l'occasion de les voir. Alors là, c'est vraiment un feu d'artifice sur la scène, si vous les voyez. N'hésitez pas. Alors là, il y a beaucoup d'instruments, il y a des cuivres, il y a le côté ska, reggae. C'est des gars super sympas, qui sont super dynamiques et qui mettent l'ambiance. Et là, c'est un morceau qu'on passe régulièrement dans l'émission Mavrika parce qu'il nous plaît bien. Voilà, simplement parce que je l'ai passé au début et puis finalement il me plaît à moi. Il plaît aussi aux auditeurs. Vous me le réclamez. Et le morceau s'appelle Réseaux sociaux. C'est un morceau qui a été enregistré pendant le confinement. Hein. Vous savez, on est toujours un petit peu dans la pandémie. Mais à une époque, on était carrément confinés à la maison et les Skywax nous avaient sorti ce morceau. Les vilaines choses. Oui, on les a reçus d'ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Eux, c'est pareil. C'est un bonheur de les voir. Beaucoup de puissance, de comment dire. C'est vraiment positif. Hein, vraiment, ils sont dynamiques. On s'ennuie pas avec le groupe Les Vilaines Choses. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Le Bar des Cloportes. J'ai pas encore eu l'occasion de les voir sur scène, mais je les ai vus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce qu'ils ont interprété des morceaux en direct live. Hein. Vous savez, ça c'est un petit peu la signature de l'émission. Et franchement, j'ai vraiment envie d'aller les voir. Donc, au bar des cloportes, c'était Les Vilaines Choses. Nous avons aussi écouté un artiste qui s'appelle Johan, qui faisait partie des Coda. On avait reçu les Coda, je crois, deux reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça date déjà un petit peu. Et le morceau qu'on a écouté de Johan s'appelle Hyperbole. Les Red Daff, voilà, c'est nos potes, on va les voir régulièrement. Ils viennent nous voir régulièrement. Et là, on a écouté un morceau qui s'appelle La Claque. Un petit souvenir, c'était un petit souvenir de la plus longue émission de Mavrika qu'on ait jamais faite. Voilà, elle détient le record. Je crois qu'il y avait eu une quarantaine de lives. Nous, c'était vraiment un concert à la maison. On était là, on était vraiment restés bouche bée devant ces artistes de Classic Vibe. Et ils nous avaient interprété, c'était l'émission numéro 210, hein, ça commence à dater quand même. Depuis, on en a fait plus de 200 émissions, hein, on est à la 454e. Et le morceau qui avait été interprété s'appelle Redemption. Redemption Song, et c'était un morceau que vous connaissiez, puisque c'est Bob Marley, Monsieur Bob Marley, qui l'avait interprété. Juste après, une découverte de notre ami Didier, hein, qui faisait partie de l'émission jusqu'à présent. Hein, là, il n'est pas revenu. Je ne sais pas s'il reviendra. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'accueillera. Voilà, il nous avait fait découvrir beaucoup de morceaux, hein, d'artistes différents qui sont pas forcément de la région. Et il avait sa chronique à lui dans l'émission, et il nous avait fait découvrir un groupe qu'on écoute assez régulièrement quand même, parce qu'on aime bien. Il s'agit de Plastic Edge, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Blood Red Roses. Voilà. Le groupe Min Circle qu'on a découvert il y a pas très longtemps aussi, qui est venu chez nous. On a écouté un morceau qui s'appelle Good News. Voilà. Aussi un artiste qu'on avait reçu il y a quelques temps, il était venu pendant un petit moment, il avait un petit peu arrêté, il est revenu et il a bien fait, parce que franchement c'est toujours un bonheur. Moi j'étais là dans mon studio, là je sais pas comment vous écoutez la radio, mais en tout cas moi je suis là, il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis tout seul et je me relaxe sur mon fauteuil, et j'écoute avec beaucoup de plaisir Mourad, et à chaque fois je me dis mais vraiment c'est bien écrit, c'est bien, les idées sont super bonnes. Ça s'appelle La Femme Parfaite, donc un artiste de la région à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Un autre artiste de la région qui est déjà venu à deux reprises aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il s'agit de Tonio. Tonio, bon, j'ai pas de nouvelles dernièrement, mais il était venu dans une émission et il nous avait interprété une chanson de Miossec. La chanson s'appelait Seul ce que j'ai perdu. On l'a écouté juste avant. Il y a des petits souvenirs comme ça qui reviennent, puisque c'est du direct, ça avait été enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et on entend les appareils photos qui se déclenchent, parce que bon, à l'époque, c'était l'époque où il y avait encore Morgane, qui était le photographe attitré de l'émission Mavrika. Il a été l'assistant pendant pas mal d'années, et on entend ce déclenchement d'appareils photos, et ça, c'est des très bons souvenirs. On a écouté à l'instant le groupe Blancas avec La Couleur des Blés. Un très bon morceau qu'on écoute avec beaucoup de plaisir. Juste après, on va refaire une petite série, hein. J'ai déjà calé pas mal de choses. Alors on va écouter, je me tourne vers l'autre ordinateur, parce qu'on y en a partout, il y a des écrans partout ici, c'est affolant, hein. City Kids avec Poison Dream. On va aussi écouter The Sharpers avec Doctor Doctor. Et juste après, on va écouter voilà, Del Orto avec Psyché. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. Ne quittez pas, restez avec nous. On va prendre du bonheur. C'est ça. I've already realized too many times I've seen the meter in

c'est dommage car on allait bien ensemble. Même si elle était petite et que moi je préfère les grandes, j'aurais jamais pensé qu'à la fin de notre histoire, comme cadeau de rupture, j'hériterai d'un chat noir. Je suis lent dans les apprentissages, j'ai cet handicap qu'on appelle le dysorthographie. Une déficience que moi seul peux voir, c'est pour ça que les enseignants n'ont pas la bonne pédagogie. À l'école, personne pour m'accompagner, ni même aménager des méthodes adaptées. 6 mois de paperasse pour que je sois prise en charge. 6 mois pendant lesquels je suis forcé de vivre en marge. Je ne demande aucune exclusivité, je ne désire pas être exclu. On me recommande aux écoles spécialisées afin qu'on reconnaisse mon droit à l'inclusion. Je ne demande aucune exclusivité, je ne désire pas être exclu. On me recommande aux écoles spécialisées afin qu'on reconnaisse mon droit à l'inclusion. C'est le parcours du combattant pour faire valoir les droits d'un gosse qu'on considère comme un feignant. Je suis comme vous, moi, j'ai besoin d'autonomie, mais pour y parvenir, il me faut plus d'orthophonie. Il y a des jours où j'ai le sentiment de faire partie d'une race qui doit prouver son droit d'équité dans une classe. Pardonnez-moi, car je ne veux pas faire offense à la France qui tarde à prendre en charge le retard de ses enfants. Je ne demande aucune exclusivité, je ne désire pas être exclu. On me recommande aux écoles spécialisées afin qu'on reconnaisse mon droit à l'inclusion. Je ne demande aucune exclusivité, je ne désire pas être exclu. On me recommande aux écoles spécialisées afin qu'on reconnaisse mon droit à l'inclusion. Mon droit à l'inclusion. Moi j'ai du mal à me socialiser, je suis cet individu qu'ils ont marginalisé. Les troubles sensoriels que j'ai du mal à maîtriser font de moi ce trouble fait qu'ils ne peuvent canaliser. Je comprends certes qu'ils se sentent dépassés, mes parents m'ont placé dans une école spécialisée. Moi j'ai des rêves qui n'ont pas cristallisé, qui me tendra la main pour pouvoir les réaliser. Je ne demande qu'une exclusivité, je ne désire pas être exclu. On me recommande aux écoles spécialisées afin qu'on reconnaisse mon droit à l'inclusion. Je ne demande aucune exclusivité, je ne désire pas être exclu. On me recommande aux écoles spécialisées afin qu'on reconnaisse mon droit à l'inclusion. Faire un petit bonjour et n'oubliez pas, si vous ratez une émission de Radio Arc-en-Ciel, vous pouvez la retrouver sur les podcasts de Radio Arc-en-Ciel sur Facebook. Love. We'll be right back. Les amoureux de papier s'envolent et tombent aux pieds d'une montagne d'années et d'une vie sans filet. Les amoureux de papier qu'on vole et vole tonner, des gens dont les idées les gardent emprisonnés. Et quand la lune est pleine et quand les regards s'aiment, les amoureux de papier écrivent et relisent leur histoire, des personnages et des déboires, esquissent des rires, ne gomment jamais. Les amoureux de papier dont l'existence n'est qu'une danse, papier volé ou déchiré, papier collé et retrouvé. Et quand la lune est pleine et quand les regards s'aiment, d'années et d'une vie sans filet. Les amoureux de papier dont l'existence n'est qu'une danse, papier volé ou déchiré, papier collé et retrouvé. continue ce voyage en musique sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika aujourd'hui, c'est l'émission numéro 454. Alors, les dernières émissions, il n'y a pas d'invité, mais on a tellement de choses à vous diffuser. D'ailleurs, j'en avais prévu tellement et j'aurais pas le temps de tout passer. Donc, m'en veuillez pas si vous écoutez l'émission et que vous n'avez pas reconnu votre chanteur ou votre chanteuse préférée ou votre groupe aussi. Hein. Mais, on sera là la semaine prochaine et on va continuer encore comme ça. Donc, on va remettre en place un petit peu tous les invités. On va commencer à recevoir des gens en direct live, parce que vous savez, c'est quand même la cerise sur le gâteau dans l'émission Mavrika, c'est d'avoir des gens en direct live. La plupart des artistes que vous avez écoutés là, par exemple à l'instant Hervé Deroff, ce sont des gens qui sont déjà venus à plusieurs reprises, hein. En plus Hervé, lui, il prend sa voiture, il vient jusqu'ici nous présenter son album, et là justement il devait venir nous présenter son nouvel album, hein. Ça y est, ça commence à venir, les premiers morceaux et tout ça, et on va essayer d'organiser tout ça. Donc je vais vous présenter déjà les artistes que nous avons écoutés. Donc à l'instant, Une autre danse, c'est le titre de l'album, c'est aussi le titre de la chanson qu'on a écoutée de Hervé et Deroff. Donc c'est pas le dernier album, mais c'est un album qui était venu présenter il y a quelques temps ici. Juste avant, nous avions écouté aussi Antoine Ménager, qui est venu cette année, une grande découverte, et un gars super sympa et vraiment que je connaissais pas. Voilà, il y a aussi des gens que je reçois dans l'émission que je connaissais pas forcément, mais justement, on est là dans l'émission pour découvrir aussi bien vous que moi. Hein. Moi aussi, c'est pareil, j'apprends beaucoup de choses dans cette émission-là avec tous les gens qu'on a rencontrés et qu'on a écoutés. Donc Antoine Ménager est venu cette année dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on l'a écouté avec un morceau qui s'appelle Les Amoureux de Papier. La chanson d'avant, j'ai reconnu sa voix parce que c'est vraiment une voix, une des voix les plus caractéristiques de la région, on peut dire, hein, parce que c'est vrai que c'est notre ami Arnaud Walden qui chante dans le groupe Iron Troopers, et on a écouté The Evil That Men Do. Voilà, j'espère que j'ai dit à peu près convenablement. Juste avant, c'était Sons of Distortion avec Night Shift. Encore avant, c'était nos amis de Summer Chains avec Astronaut. Encore avant, c'était un morceau qui a été enregistré ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec la présence de notre ami Sadou, hein, Sadou du groupe Sadia, entre autres. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Inclusion. Voilà, toujours des beaux textes. Alors là, franchement, je trouve qu'il sait très bien manier les mots, notre ami Sadou. Et ce morceau-là, il me touche particulièrement et je sais qu'il doit aussi toucher pas mal d'autres personnes. Donc voilà, ça parle un petit peu de l'exclusion et forcément, il faudrait plutôt inclure les gens qui sont légèrement différents. Hein, voilà, et il y a la place pour tout le monde sur cette planète, il n'y a pas de souci. Encore avant, c'était un groupe qu'on a reçu ici il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Scarlet Black. Ils viennent régulièrement faire un petit concert dans Orléans. Donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous entendez parler. Scarlet Black avec un titre qui s'appelle Narcos. Encore avant, un groupe, vous le savez, j'en suis fan depuis longtemps, il s'agit du groupe La Jarry. Et là, c'était un morceau, j'étais vous chercher un morceau qui est assez ancien. Alors, on avait dit que cette année, en 2020, ça serait l'année de La Jarry. Bon, c'est l'année du Covid, mais bon, c'est aussi les 20 ans de La Jarry. Et c'est pour ça qu'on vous passe régulièrement un morceau. À chaque émission, il y a au moins un morceau de La Jarry. Et cette fois-ci, on avait choisi le morceau Le Chat Noir. Encore avant, j'ai eu la chance de les rencontrer à un concert, de les interviewer. Alors, ils vivent dans un monde un petit peu parallèle au nôtre. Hein. Il s'agit du groupe Atevani, voilà. Et le morceau s'appelle Vra. Mais en tout cas, ce sont des super musiciens et ça faut le coup de les voir sur scène aussi. Ils ont des accoutrements et puis ils ont un style particulier et ils ont une histoire aussi. Il faut un petit peu fouiller dans leur univers pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête des Tevani. Encore avant, c'était Devon Miles, c'est un groupe que j'ai reçu une seule fois ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel et ça fait un petit moment, mais n'empêche que je vous passe quand même les derniers morceaux. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle Deux salles, deux ambiances. Et c'était donc le groupe Devon Miles. Alors, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, vous avez eu un petit message, vous avez sûrement reconnu notre ami Florent. Alors, je voulais lui dire, justement, le remercier pour tout ce qu'il fait, hein, en mon nom et aussi au nom de tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel, et pas seulement aussi de tous les auditeurs, parce qu'il y a des émissions émissions qu'on ne peut pas écouter au moment où ils sont diffusés. Donc notre ami Florent, ce qu'il fait, il les enregistre et il les met sur le compte Facebook. Hein. Donc sur Facebook, vous pouvez retrouver tous les podcasts de Radio Arc-en-Ciel, toutes les émissions, hein, aussi bien la mienne que celle des autres jours, des autres le matin, midi et soir. Hein. Il y a tous les styles de musique sur Radio Arc-en-Ciel. Et les émissions sont faites par des passionnés. Et merci à Florent de faire ce qu'il fait. Hein. C'est vraiment formidable. On le remercie encore une fois. Et puis aussi, je voulais remercier un petit peu tous les gens qui sont intervenus parce que j'ai eu beaucoup de gens. Quand on revient de vacances, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de. Alors j'étais un petit peu, j'ai pas pu répondre à tout le monde en même temps, mais vous inquiétez pas. Moi, je pense à vous tous. Hein. J'oublie personne. D'ailleurs, je vais en citer quelques-uns. J'en oubliais forcément, mais dans ma tête, et dans mon cœur, tout ça, ils sont là. Alors déjà, les gens qui sont intervenus: Sylvain, Christophe, Hervé, David, Aurélie, Alex, Romain, Sébastien, Nicolas. Fab, Yann, Christian, Valérie, Brigitte, Annabelle, Florent, Eric, Cédric, Damien, Marie, Corinne, Claude, Pascal, Patrick. Voilà, j'en ai cité pas mal. Je pense que j'en ai pas oublié, mais si j'en oublie, c'est pas un souci. Hein. La prochaine fois, je remercierai à nouveau tous les gens. En tout cas, merci pour vos petits messages. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de savoir que. On est là, moi je suis là tout seul dans le studio et je prends beaucoup de plaisir à écouter les musiques. Hein. Et en plus, pendant l'été, j'ai eu le temps de réviser un petit peu, j'ai écouté pas mal de choses que j'avais un petit peu oubliées, hein, des choses que j'ai dans mes disques durs, dans mes clés USB, des choses que je conserve, hein, je conserve tout et je prends du plaisir à redécouvrir des choses que j'avais peut-être un petit peu oubliées et on va vous les repartager comme ça. On n'oublie rien hein, dans l'émission Mavrica, on n'oublie surtout pas tous les artistes qui ont participé à cette formidable émission. Et comme je vous le dis, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à établir un programme pour recevoir des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un à la fois pour l'instant, et puis on verra. En tout cas, l'émission n'est pas terminée, même si elle passe très vite, il est 21h59 ici sur Radio Arc-en-Ciel. Il reste encore une demi-heure. J'ai calé encore pas mal de morceaux et on va continuer tout de suite avec un morceau que qui me tient à cœur, puisqu'il parle de quelqu'un. Bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, avec lequel j'ai des très bons contacts et que j'admire en tant qu'artiste, qui a créé une chanson sur une autre personne que j'aime beaucoup aussi, qui a participé à l'émission Mavrica pendant de longues années. Les deux ont participé. Il s'agit de David McLean qui interprète une chanson sur Didier et c'est une chanson très drôle parce que Didier, quand il vient ici dans les studios, il ramène une petite caisse à outils dans laquelle il a pas mal de choses, ses casques, ses jacks, ses adaptateurs dans tous les sens pour pouvoir justement capturer pas mal de choses dans l'émission Mavrica. Et il a une caisse à outils et notre ami David McLean a eu l'idée de créer une chanson qui s'appelle Didier. Tu es dans la galère, ton évier bouché, tu ne sais pas quoi faire pour le déboucher, tu te désespères, ta femme est coincée. Sur le mode vénère, heureusement il y a Didier, il sait tout faire, il sait bien travailler, un bricoleur hors pair, il sait tout déboucher. Il y a ta grand-mère, coincée dans les WC. Elle ne peut rien faire, son colon est bouché. Reste tranquille, pépère, faut pas t'inquiéter. Pour cette sale affaire, heureusement il y a Didier, il sait tout faire, il sait bien travailler. C'est sur terre, ne peut lui résister, pas même une grand-mère au colon bouché. Il a le savoir-faire, il a le doigté. aller coucher grand-mère. Heureusement, y a Didier. Didier, il sait tout faire. Il sait bien travailler. Est-ce que le temps nous presse, furieux ou assoupi? Est-ce que les murs se dressent ou se borne l'esprit? On pose de petites phrases, des paroles en chemin, sans faire tomber nos masques pour voiler nos chagrins. Et qu'est-ce qui nous anime, attendre ou bien partir? Est-ce qu'une seule vie pourra vraiment suffire? On fait comme on peut, on fait comme un vœu, on fait comme on peut, on fait comme on peut, on fait comme un vœu. cadence pour un pas de nous deux, voulant conduire la danse en brûlant tous les feux. Est-ce la plus belle étoile que je vois dans tes cieux? Pour frôler l'idéal, faut-il s'y prendre à deux? On fait comme on peut, on fait comme un vœu, on fait comme on peut, on fait comme on peut, on fait comme un vœu, on fait comme on peut. Est-ce que tu vois gravé, face cachée de mon cœur, les sillons des années qui font peur au bonheur, et les petites rayures, toutes ces traces d'usure, ce temps qui nous a eu, était-ce peine perdue? On fait comme on peut, on fait comme un, on fait comme on peut, on fait comme on peut. encore un excellent souvenir. Alors lui, c'est une bête de scène, c'est Monsieur Jack F. Il était venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec ses musiciens et nous avait interprété cette chanson. Et puis ça tombait bien puisqu'il est 22h12 et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Doucement après 22h. Voilà, un très bon moment. Puis Jack F, qui est aussi le chanteur des Stingers, il chante en anglais principalement. Et Jack F, c'est vraiment son style. Lui, c'est lui, il l'avait depuis un petit moment. Il a eu l'idée de sortir enfin ses chansons. Et je trouve que c'est super bien. Il faut vraiment aller le voir si vous avez la possibilité. Donc les Stingers ont déjà participé à Mavrika Live, Jack F aussi. Voilà, ils reviennent dans les studios quand ils veulent, parce que franchement c'est toujours un plaisir et un vrai bonheur d'écouter les compositions de ce grand monsieur. Donc on arrive bientôt à la fin, hein. On s'approche doucement, on a attaqué la dernière demi-heure. On a écouté donc Antoine Ménager avec Les Amoureux de Papier, Hervé Desroffes avec Une Autre Danse, Le Soupule avec La Grande Bouffe, Manu Lorca avec On Fait Comme On Peut. Alors on va revenir à Antoine Ménager, on l'a rencontré cette année. Hervé Desroffes est déjà venu à plusieurs reprises et il est prêt à revenir parce qu'il y a un album là qui sort. Le Soupule, voilà, c'est un groupe qu'on aime beaucoup, hein. Ils sont venus ils viennent de la région parisienne, ils sont venus ici pour une émission, ils sont venus aussi pour un Mavrika Live, ils sont aussi venus pour un concert avec Sébastien qui s'était passé en bas. Donc c'est un groupe que voilà, on les a vus mais on les lâche pas, on espère les revoir très prochainement. Et bon, ce qu'ils disent dans leurs chansons est tellement vrai que bon, on a vraiment envie de continuer à les suivre. Juste après on va écouter un groupe qui était venu, bon on n'a pas pu les recevoir tous parce que c'est un groupe qui il y a beaucoup de membres, il y a des cuivres, donc c'est pas toujours évident. Le groupe s'appelle Sous Latitude, mais par contre il faut les voir sur scène. Moi j'ai eu l'occasion de les voir à plusieurs reprises et je m'en lasse pas. Si vous aimez la soul, si vous aimez des belles voix, si vous aimez des bons musiciens, il faut vraiment aller les voir. Alors le morceau qu'on va écouter s'appelle Son of a Preacher. Juste après on va écouter aussi le groupe Nuit Blonde qui va nous interpréter un morceau qui s'appelle Nuit Blonde, qui est tiré d'un album qui s'appelle Nuit Blonde. Voilà, c'était difficile à commenter, en tout cas voilà, c'est fait. On va aussi écouter, ça fait longtemps, je crois que c'est une des personnes qui est venue le plus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un groupe qui n'existe plus, je pense que c'est en stand-by pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Il s'agit du groupe Mandrake. Alors il faut savoir, ce groupe là Guillaume était venu ici la première fois, le chanteur, le guitariste était venu ici, et compositeur, auteur, était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel en disant voilà, je cherche un groupe, et le groupe a été composé ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission de Mavrika. Le groupe a évolué, il y a eu des changements de membres et il a tourné pas mal, il y a eu beaucoup de concerts et toujours un plaisir de les voir. Et c'est vrai qu'un depuis un petit moment on les a pas trop écoutés, donc on va se rattraper un petit peu. Mandrake avec un morceau qui s'appelle Le Meilleur des Mondes, et c'était la version 2013, hein, comme quoi ça date un petit peu. Mais en tout cas, quand c'est bon, on s'en lasse pas, on écoute toujours avec beaucoup de plaisir. On attaque donc cette dernière ligne droite avant les 22h30, hein, l'heure de fin de l'émission. C'est l'émission numéro 454, voilà. On atteint bientôt la 500e, hein. Il y a encore quelques émissions, mais bon, ça, on y arrive tout doucement, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai calé aussi d'autres choses. Après Nuit Blonde, il y aura aussi Mandrake. Et ah ouais, voilà, le dernier que j'avais programmé pour l'émission, c'est un enregistrement qui a été fait ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission numéro 171. Pour vous dire, ça date, hein, quand même. Il s'agissait du groupe Modèle Déposé. Ils étaient venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors je sais pas s'il existe encore ce groupe ou pas. En tout cas, il interprétait très bien des chansons de téléphone. Et on va écouter donc un morceau de téléphone qui s'appelle, je regarde vite fait, Au cœur de la nuit. Voilà, ça m'avait échappé, mais j'adorais cette chanson là et vous allez voir que la version qu'on va écouter est très bonne aussi. Voilà, vous êtes dans l'émission de Mavrika. Allez, on se reparle juste avant l'émission. Je vous dirai quand même un petit mot parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Je suis assez bavard ce soir et puis je sais que vous avez envie aussi d'avoir des nouvelles de l'émission et puis de savoir comment ça va se passer pour la semaine prochaine. Voilà. On écoute donc la suite du programme avec le groupe Soul Latitude. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Regard au fond de la nuit, puis comme avant, on peut le rendre fort. arrive à la fin de cette émission, donc encore quelques petits morceaux, hein, mais avant je vais vous dire quand même au revoir. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, directement ou indirectement, ou simplement vous l'avez savouré, vous avez écouté, vous avez profité du moment avec nous, c'est le plus important, la musique c'est fait pour ça. Voilà, en tout cas, c'est l'émission numéro 454, je vais y arriver, se termine, hein, je vais dire les phrases magiques comme on a l'habitude de le faire à chaque émission. Alors la première c'est Everything is gonna be alright. La deuxième c'est que le rock and roll soit avec vous. Et puis la troisième c'est une vie sans musique serait une erreur. Voilà, cette émission est terminée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h30. Hein. N'oubliez pas le rendez-vous, nouveaux horaires. On finit un peu plus tôt, on commence aussi un petit peu plus tôt. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit, un très bon week-end, une très bonne semaine et on se retrouve vendredi prochain. Derrière des banderoles, quand le champignon pousse, nos enfants sont sans voix, perdus dans la secousse, ils deviennent hors la loi. Quand les armes se vendent comme des petits pains, nos enfants se demandent ce que leurs pères ont d'humain. Quand on va pour le pire dans le meilleur des mondes, où les enfants se tirent mendient et vagabondent. De nos chars, de nos bombes, nos enfants se rebiffent. Quand l'océan en sang se dresse contre nous, les enfants innocents sautent de nos genoux. La planète rêve qu'on les épargne. Quand la mort est dans l'air, dévastant la nature, les enfants nucléaires voient de grands invasions. Moi je voudrais croire en ce monde. Que les enfants fredonnent, qu'on arrête de leur mentir, qu'un jour ils nous pardonnent. Oui, je voudrais croire en ce monde, que les enfants fredonnent, qu'on arrête de leur mentir, qu'un jour ils nous pardonnent. Mais il est parti, un sens à ma vie. Il n'est plus en vie, il m'a tout donné, je puis s'est effacé, sans me déranger, et je crois que j'ai pleuré, tout au fond l'air d'un con de me cacher. J'avais un ami, mais il est parti, un sens à ma vie, il n'est plus en vie, il m'a tout donné, puis s'est effacé, sans me déranger, et je crois que j'ai pleuré, tout au fond l'air d'un con, envie de me cacher. Bien essayé, je voudrais bien continuer, continuer. Un moment ou un instant, j'ai cru oublier. En parlant, en marchant à Paris à minuit, dans ma ville, quelques mots perdus dans la nuit. En parlant, en marchant à Paris à minuit. pas de cœur. Se ve por fuera.